clargherie, i compagni a soppar. Ma le fisti d'animo con basso prepar, avec quelle fieri joyeux, il porte leur armure, et quel feu dans leurs yeux. Tout cœur frémit en leur chant de victoire. Insensible à la gloire. Thank you. che soffra e la lissonge tua chi vien di ton drôle sans silence et si voile ajoute encore à mes sombres Yeah. Thank you. Bestialité dans toute sa cordeur. Amen. Amen. Amen. Par un chant sur un sujet non moins touchant. que la vôtre. bons esprits, je suis content de vous. Merci, merci. Yeah. Dans la joie, profite des instants. Adieu, modère-toi ou tu la perds. Bien, mes folies et moi, nous allons vous chanter un bel épitalame. Thank you. Thank you. cette belle une chanson morale pour la perdre plus sûrement. Devant la maison de celui qui t'adore, de celui qui t'adore. Petite Louison, que fais-tu de l'aurore? Que fais-tu? Au signal du plaisir dans la chambre du drill, tu peux bien notre fille, mais nos filles à sortir, Devant la maison, que celui qui t'adore, de celui qui t'adore. Petite Louison, que fais-tu de l'aurore? Que fais-tu? Ah! Il te tend les bras près de lui, tu cours vite, tu cours près de lui, tu cours vite. Bonne nuit, hélas, ma petite, bonne nuit. Près du moment fatal des grandes résistances, Mais vis-je l'ennui

Sois-tu, dis-moi, l'astre d'amour constant, son influence, ami, serait fort nécessaire, car tu rêves ici qu'on cette pauvre enfant, Marguerite, et toi, sans doute il faut me taire, tu n'aimes plus. Pourtant, on ne cache au traîner, et pour un parisien à la mort condamné. J'entends des chasseurs qui parcourent les bois. Achève, que tu dis. Marguerite en prison. Certaines liqueurs brunes. Un innocent poison qu'elle tenait de toi pour endormir sa mère pendant vos nocturnes amours a causé tout le mal. Caressant sa chimère, t'attendant chaque soir, elle en usait toujours. Elle en attend ici que la vieille est morte. Tu comprends maintenant? Fais étonner. En sorte que son amour pour toi l'a conduit. Sois la misérable. Ah, je suis la coupable. On vous reconnaît là, ridicules humains. N'importe, je suis le maître encore de t'ouvrir cette porte. Mais qu'as-tu fait pour moi depuis que je te sers? Qui j'ai-tu? De toi! Rien qu'une signature. Sur ce vieux parchemin, je sauve Marguerite à l'instant si tu jures et signes ton serment de me servir demain. Et que me fait demain quand je souffre à cette heure? Donne, voilà mon nom et sa sombre demeure, volontaire maintenant. Douleur insensée Margarita, je cours. À moi, vortex, jour. Sur ces deux noirs chevaux, tronc comme la pensée, monte. Et au galop, injustice est pressée. Dans mon cœur retentit sa voix désespérée. Mon pauvre abandonné. 我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美。